Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Donc dans ce jour de ou dans cette nuit de Sept, le 21 du mois de Safar de l'année 1437 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons la traduction du liqa, de cette rencontre qui a eu lieu dans la ville de Riyad, la capitale de Bilad al-Saoudiya, al-Mubaraka, Dawlat al-Tawhid, Harasahallah. La nuit du jeudi de la même semaine, entre notre cheikh Abi Abdil Ala, Khalid ibn Muhammad ibn Athman al-Misri, et notre cheikh Abi al-Abbas, Adi al-Mansour, Basha al-Yamani, Hafidahumullahu jami'an, avec une entrée par téléphone ou une parole qui a été faite par téléphone par notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouq al-Banna al-Walid Hafidahumullahu ta'ala. Et cette rencontre, nous l'avions programmée et nous l'avons retransmise sur notre site Ahl Dhikr ainsi que sur le site Al-Multaqa Salafi Bimisr, afin de faire profiter de cette rencontre bénie. Donc, cette rencontre était une rencontre entre nos deux chiirs qui sont Shirabi Abdil Ala et Shirabi Al-Abbas. Et celui qui a commencé la rencontre est notre cheikh Khalid Uthman Abu Abdil A'la, hafidahullah. Et il a commencé cette rencontre par le sujet de l'hypocrisie, où il a commencé sa parole et son cours sur le sujet de l'hypocrisie. Le sujet de l'hypocrisie, comme notre cheikh l'a expliqué, c'est un sujet qui touche tout le monde et nous nous éduquons par les versets qui ont été descendus sur ce sujet, sur le sujet de l'hypocrisie, ainsi que excusez-moi pour cette coupure, donc ce sujet qui touche tout le monde et ce sujet qui a été traité dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans la parole ou dans les paroles de nos pieux prédécesseurs. Et le shir nous dit que cette chose, c'est-à-dire l'hypocrisie, an-nifaq, c'est une affaire qui est, c'est une chose qui est très dangereuse pour chacun d'entre nous. Et c'est une chose qui convient à chacun d'entre nous de craindre pour sa propre personne, d'être touché par cela, l'hypocrisie. On dit que cela, c'est une grande maladie. Et comme il est connu, l'hypocrisie se divise en de sorte, la grande hypocrisie, la petite hypocrisie, ou l'hypocrisie de la croyance, ou dans la croyance, et l'hypocrisie dans les actes. Le shir a commencé par nous expliquer ce qu'est l'hypocrisie du point de vue de la langue, en nous expliquant que ceci a été pris du fait que cet animal qu'on appelle la gerboise creuse des trous dans la terre et qu'il creuse un trou dans lequel il rentre et il creuse un trou par lequel il sort, et quand quelqu'un vient pour le chasser, c'est-à-dire qu'il ne montre pas quel est le trou dans lequel il rentre et dans lequel il sort, et il creuse certains autres trous, ou il fait mine de creuser d'autres trous, et ces deux trous, c'est-à-dire celui par lequel il rentre et celui par lequel il ressort, eh bien, ils ne sont pas apparents comme étant des trous aux gens, et lorsque celui qui vient le chasser s'approche et qu'il le sent, qu'il s'approche, eh bien, il donne un coup avec sa tête et il sort par le trou par lequel il sort, qu'il avait préparé pour sortir. Et c'est une chose qu'il fait pour se protéger, et c'est une chose qui n'est pas apparente, le fait de savoir quel est le trou par lequel il est rentré, celui par lequel il est sorti, et quels sont les trous qui ne sont pas des trous par lesquels il rentre ou il sort. La gerboise, cet animal qui est la gerboise. Et ceci, du point de vue de la langue, est pris de cela. Des trous que fait cet animal qui est la gerboise. Ensuite, le shir nous explique aussi, par rapport à cela, du point de vue de la langue. Ensuite, il nous explique que, ou il nous rapporte cette parole qui a été rapportée par le Khallal dans son livre Sunna, et que l'imam al-Bukhari aussi a rapporté dans son Sahih, mu'allaqan, c'est-à-dire sans rappeler la chaîne de transmission. Il ne rappelle que de qui, il ne rappelle que cette parole et de qui elle a été rapportée, d'Ibn Abi Mulaika, qui fait partie des grands tabi'in, qui dit qu'il a atteint 30 parmi as-sahaba, ou une trentaine parmi as-sahaba, et que chacun d'entre eux avait peur pour sa propre personne, l'hypocrisie. Il redoutait ou il craignait pour sa propre personne, l'hypocrisie. Et pas un seul d'entre eux disait, ma foi est comme la foi de Jibril, alayhi salam. Et ceci, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'a rapporté dans la porte de la peur du croyant, la peur que a le croyant, que ses œuvres soient caduques ou deviennent caduques, et ce dernier ne s'en rend même pas compte. Et le cheikh nous dit que cela, c'est un succès que Allah Azza wa Jalla a accordé à l'imam al-Bukhari d'avoir rapporté cette parole dans cette porte. Car c'est bien cela que fait an-nifaq, c'est-à-dire l'hypocrisie, elle rend les œuvres de la personne vaines et caduques. Il nous dit le shirk que as-salaf radhiyallahu alayhim avaient peur pour eux, pour leur propre personne, de tomber dans l'hypocrisie. Ils avaient une peur qui était immense de cela. Et nous le retrouvons dans beaucoup, beaucoup de paroles rapportées de eux, ridwanallahi alayhim. Il nous dit, le shir, hafizahullah, il rapporte cette parole de Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari. Donc ce livre, c'est bien Fath al-Bari de l'imam Al-Hafiz ibn Rajab, et non de Al-Hafiz ibn Hajar, qui s'appelle aussi Fath al-Bari, qui sont tous les deux des explications de Sahih de l'imam al-Bukhari, Fath al-Bari qui est complet, et de l'imam ibn Hajar, de l'Hafiz ibn Hajar, et Fath al-Bari de l'Hafiz ibn Rajab n'est pas complet, ne l'a pas terminé. Il rapporte donc de l'Hafiz ibn Rajab dans son livre Fath al-Bari qui dit que l'hypocrisie dont avait peur as-sahaba, l'hypocrisie que redoutaient as-sahaba pour eux-mêmes était donc la petite hypocrisie, l'hypocrisie dans les actions et non dans la croyance. Et ceci est très important de voir que as-sahaba n'était pas ne doutaient pas de leur islam, ne doutaient pas de leur croyance. Mais ils avaient peur pour eux cette hypocrisie qui est dans les actions, la petite hypocrisie, qui est quelque chose de très grave. Et comme nous le dit le Shir, la petite hypocrisie est une chose qui mène à la grande. Cette grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam. Et le Shir nous dit comme As-Salaf radhiyallahu anhum disait, la bid'a est, comme on dit, la chose qui pousse, ou la base, ou la chose qui pousse vers le kufr, vers la mécréance. Et bien comme cela, le Cheikh nous dit que la petite hypocrisie est la chose qui pousse vers la grande. C'est la base de la grande hypocrisie. Donc le Cheikh nous met en garde sur le fait que l'un d'entre nous se croit à l'abri de cela. Comme Salaf radhiyallahu alayhim et à leur tête au Sahaba ne pensaient pas être à l'abri de cela, de cette hypocrisie. Donc il te convient de réviser tes actes et de revoir tes actes et de penser à tes actes et de penser à ton intention, de réviser toujours ton intention, à savoir si tu es sincère, afin de ne pas tomber dans cette hypocrisie. Et comme Allah Azza wa Jal le dit dans son livre, dans le sens très approximatif de ses paroles, et n'est à l'abri de la ruse d'Allah que le peuple des perdants, ou que un peuple perdant. Et le Shir nous rappelle, nous parle de l'état de As-Salaf et à leur tête As-Sahaba, comme il est rapporté dans ce livre, qui est un livre qui est un livre mère dans ce sujet, c'est-à-dire les caractéristiques de l'hypocrisie et des hypocrites, comme on peut traduire son nom, le nom de ce livre en français, les caractéristiques, les traits, les caractéristiques de l'hypocrisie et des hypocrites, de Al-Hafiz Al-Firyabi. Et il rapporte dans ce livre, comme le Cheikh nous le rapporte, le Cheikh a rappelé un nombre de athar qui sont rapportés de Sahaba, radhiyallahu anhum, et de Salaf, sur cela, la peur qu'ils avaient sur, par rapport au nifaq, à l'hypocrisie. Et le Cheikh commence par nous rapporter ce athar qui est rapporté de Abi Darda, radhiyallahu anhu, qui est un grand sahabi, où Jubayr a entendu ce dernier, c'est-à-dire Abu Darda, debout en train de prier, qui demandait à Allah tabaraka wa ta'ala la protection contre l'hypocrisie. Et lorsqu'il est sorti de sa prière, Jubayr est venu le voir et il lui dit, Yani, qu'en est-il de toi et de l'hypocrisie ? Yani, est-ce que tu as peur de l'hypocrisie ? Il lui dit cela, car il s'étonne de voir Abu Darda, ce grand compagnon, demander à Allah Azza wa Jalla la protection contre l'hypocrisie. Il s'étonne de cela. Et Abu Darda demande le pardon à Allah Azza wa Jalla à trois reprises, et lui dit, et qui est à l'abri de cette chose-là ? Et il lui dit ensuite que certes, l'homme se sent à l'abri et en une heure, et ce qui est voulu ici en une heure, c'est-à-dire en un temps qui est court, en un temps court, alors qu'il se sentait à l'abri, eh bien, il s'écarte ou il dévie dans sa religion. Donc ceci nous montre la peur qu'avait As-Salaf et à leur tête As-Sahaba de cette chose-là, an-nifaq, l'hypocrisie, que certains d'entre nous voient loin de eux. Lorsqu'ils entendent parler de l'hypocrisie, que ce soit dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou dans la sunna du prophète, ils pensent à d'autres que eux. Alors que Sahaba Nous voyons clairement de leur état que eux, lorsqu'ils entendaient cela, ils pensaient à eux-mêmes en premier avant de penser aux autres. Le Cheikh nous dit donc, ne te crois pas à l'abri de cela, de cette épreuve qu'est l'hypocrisie. Et cela ne va pas à l'encontre du fait, ou ne contredit pas le fait que tu aies la bonne pensée sur ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Plutôt comme nous le dit le Cheikh, tu dois avoir la bonne pensée sur ton Seigneur, et tu ne dois pas avoir cette bonne pensée sur toi. C'est-à-dire, ne pas avoir cette confiance en toi que tu es loin de l'hypocrisie. Mais en même temps, tu dois avoir la bonne pensée sur ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela, comme nous le dit le Cheikh, que certains savants disent que lorsque tu es en bonne santé, eh bien à ce moment-là, tu dois avoir peur d'Allah Azza wa Jalla, tu dois appuyer sur cela, sur cette peur que tu as d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette peur de t'écarter de sa religion. Et au moment où tu es malade, dans ces instants où tu es malade, et bien là tu dois avoir la bonne pensée sur Allah et tu dois appuyer sur ce côté de l'espérance en ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et comme nous le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne meure pas l'un d'entre vous en ayant la mauvaise pensée sur son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et comme nous le dit le Cheikh ici, la bonne pensée sur Allah, cela ne veut pas dire d'avoir la bonne pensée sur toi-même et d'avoir cette confiance en toi. Il te faut et il te convient de faire la différence entre cela et cela, car certes, ton âme appelle au mal. Certes, ton âme appelle au mal. Le Cheikh nous dit aussi de réviser tes actes et tes paroles. Et comme il est rapporté de certains salafs, faites votre jugement avant qu'il vous soit fait ce jugement. Ou faites vos comptes avant que vos comptes ne vous soient faits. Et il nous est rapporté, comme nous le dit le Cheikh, un asar, et il nous a rapporté donc ce asar de Omar radiallahu anhu, qui est un asar qui est très important et qui est grandiose et qui illustre bien la peur qu'avait le sahaba de cette chose là de l'hypocrisie. Et qui te dira qui est Omar Ibn al-Khattab, le deuxième des califes bien guidés, radiallahu anhum ajma'in. Dans ce asar, Omar est venu voir Hudhayfa lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait révéler le nom ou la liste des noms des hypocrites à son époque. Il vint, c'est-à-dire Omar, voir Hudhayfa radiallahu anhuma et lui dit: m'a-t-il nommé à toi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire a-t-il rappelé mon nom dans cette liste des hypocrites? Omar dit cela à Hudhayfa. Il lui demande, car il a peur que le prophète Mohammed sallam l'a rappelé parmi le nombre des hypocrites. Et qui te dira qui est Omar? Et où en es-tu toi de Omar pour te sentir à l'abri de cela, de l'hypocrisie? Il demande à Hudhayfa, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé parmi les hypocrites? Et Hudhayfa de lui répondre: non, et je ne ferai pas de tazkiyah à quelqu'un d'autre après toi. Et qui après Omar peut se sentir à l'abri de tomber dans l'hypocrisie? Qui? Et le Cheikh nous dit que Ibn Abi Dunya, dans son livre, rapporte que de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, que ce dernier dit que la tête ou la base de l'hypocrisie est le mensonge. Et comme cela, le Cheikh nous dit que c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a fait parmi les châtiments dans la tombe le mensonge, comme il est rapporté de Samoura Ibn Jundub, comme dans Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'il faisait un rêve, de le raconter à ses compagnons, car le rêve est une partie de la prophétie, et qu'il avait l'habitude de demander à ses compagnons qui de vous a fait un rêve, et lorsque l'un d'entre eux faisait un rêve, il disait ce qu'il avait fait comme rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Et ce jour-là, il demanda qui de vous a fait un rêve, et aucun des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, et il dit lui sallallahu alayhi wa sallam, j'ai certes fait un rêve cette nuit. Puis il raconta son rêve, et ce hadith est un hadith qui est long. Il dit que deux hommes sont venus me chercher et ils m'ont emmené avec eux, et dans cette dans ce voyage qu'il a fait avec eux, il a vu plusieurs personnes, où il a vu plusieurs scènes qui se passaient devant lui. Et ce qui est important ici pour nous, dans notre sujet, c'est cette scène qu'il a vue, où il y avait deux hommes, un homme qui était debout et un homme qui était assis. L'homme qui était debout avait dans ses mains un grand crochet, quelque chose comme un grand crochet. Il rentrait ce crochet dans la bouche de celui qui était assis. Il le faisait ressortir de sa nuque, du derrière de sa tête. Il faisait ça avec sa partie droite. Ensuite, il le sortait. Il faisait ça avec sa partie gauche après cela. Et ensuite, une fois que sa partie droite avait guéri, eh bien, elle recommençait dans sa partie droite, jusqu'à ce que sa partie gauche soit guérie, et il recommence dans sa partie gauche. Et ceci était un châtiment pour lui. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver tous de ce châtiment, ainsi que de l'ensemble des châtiments de la tombe et des châtiments du feu. Ceci était pour lui un châtiment. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de son voyage, demanda à ces deux qui étaient deux anges qui l'ont fait voyager, qui l'ont emmené avec lui, il leur demanda sur cela, sur les scènes qu'il avait vues, et ces deux anges informèrent notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que donc ces deux hommes, celui qui était assis et celui qui était debout, c'est-à-dire celui qui était assis, que l'homme qui était debout lui rentrait donc ce grand crochet dans la tête, et qu'il le rentrait dans sa partie droite, et qu'il faisait sortir ce crochet par sa nuque, eh bien, cette personne qui était assise, c'était le menteur, ou le grand menteur, celui qui avait l'habitude de beaucoup mentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé aussi dans ce hadith où il viendra des gens qui mentiront avec un mensonge, et ce mensonge atteindra l'horizon. Le Cheikh nous dit, certains s'étonnent comment il peut, avec son mensonge, avec un mensonge, comment il peut faire atteindre ce mensonge l'horizon. Mais comme le dit le Cheikh, nous avons certes vu cela. Nous avons vu cela de nos jours avec tous ces ces manières ou ces méthodes de communication, comme Internet, etc., les forums de discussion, etc., etc., une personne va sur cela, ment, il écrit une phrase, parfois il n'y fait même pas attention à ce qu'il a dit, il ment, et il est dans sa maison, et il est à l'abri, il pense être à l'abri, il pense que sa propre personne est à l'abri, comme s'il n'a rien fait. Il ment ce mensonge sur des forums de discussion que des milliers de gens, parfois des millions de gens voient, ce mensonge, il pense être à l'abri. Mais en réalité, cette personne, il a fait certes un grand péché qui implique qu'il sera châtié, bien sûr, s'il ne se repent pas avant de mourir. C'est-à-dire que ce péché implique un châtiment, comme il nous l'a été expliqué par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a certes fait un grand péché. Et ceci est dans une personne qui le fait une fois. Qu'est-ce qu'il en est de la personne qui, lui, toute sa vie, c'est cela, c'est de mentir. C'est de monter sur ces salons de chat, etc., forums de discussion, sur Internet, sur ces manières de communication, et de mentir. Toute sa vie, c'est cela. Il le fait chaque jour. C'est pour ça que le Cheikh ici nous exhorte de faire très attention dans ce que nous répondons sur ces forums, sur ce WhatsApp, sur ces salons, etc., etc., et de bien s'enquérir de la véracité des paroles que nous répondons. Car certes, Allah Azza wa Jal nous interrogera sur cela. Il nous parlera le jour du jugement, il nous interrogera et nous... Il y aura un compte à rendre sur tous ces mots et toutes ces choses que nous avons écrites, que nous avons prononcées le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal le dit dans le sens approximatif de ces paroles, certes, ceux qui forgent le mensonge ou des mensonges, ceux-là ne croient pas au signe d'Allah ou au verset d'Allah dans le sens approximatif de ces paroles. Ou ils ne forgent des mensonges que ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, nous voyons ici dans ce verset, comme nous le dit le Cheikh, que le mensonge fait partie des caractéristiques des mécréants. Et le mensonge, en vérité, comme nous le dit le Cheikh, ne vient que très rarement du musulman ou du croyant. Même s'il tombe dans beaucoup de péchés, beaucoup d'autres péchés, mais le mensonge, c'est une chose que le croyant s'écarte de cela. Il ne vient que très rarement du croyant. Car ceci est une des caractéristiques des mécréants. Et comme il a été rapporté dans l'explication, l'exégèse de ce verset, « Qutil al-kharrasoun » Al-Kharrasoun, Al-Kaddaboun. C'est-à-dire Al-Kharrasoun, ici dans ce verset, pour ne pas traduire ce mot, il a été expliqué par les menteurs, les grands menteurs. Et ceci a été rapporté de plusieurs, parmi Salaf, parmi eux, Umatiyya, Al-Ansariya, radiyallahu anha, cette grande compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceci, il est rapporté d'elle qu'elle dit que ceci est un dua, c'est-à-dire une invocation contre eux. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit « Qutil al-kharrasoun », c'est bien une invocation contre ceux-là, les grands menteurs. Il invoque contre ceux-là, contre les grands menteurs qui sont dans la perdition. Le Cheikh ensuite nous dit que Ibn al-Arabi, dans son tafsir, a divisé le mensonge en quatre sortes. A divisé le mensonge en quatre parties, quatre sortes. La première est le mensonge sur Allah. Et comme nous le dit Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ses paroles, et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah, Ceci est la plus grande des injustices. Le deuxième, c'est la deuxième catégorie de mensonge, c'est le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, Ibn al-Arabi, que ceci et cela. C'est-à-dire que le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut ou se rapproche beaucoup du mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième partie, c'est le mensonge sur les gens. Comme le fait de faire des faux témoignages, par exemple. Et ceci est un grand péché. Et la troisième catégorie, comme le rappelle, c'est le mensonge pour les gens. Tu mens pour quelqu'un, pour le secourir, etc. Et cela, on le retrouve beaucoup dans le mu'amala, c'est-à-dire les relations entre les gens. Et comme il a été rapporté, ceci fait partie de l'un des trois, dans les relations qu'il y a entre les gens, un des trois piliers du désordre. Donc dans les relations entre les gens, un des trois piliers du désordre, qui sont le mensonge, la traîtrise et les défauts. Les défauts dans les relations entre les gens, comme la vente, le mariage, etc. Ceci fait partie d'un des trois, c'est-à-dire le mensonge, un des trois piliers du désordre. Le shir nous exhorte aussi, après cela, hafidahullah, par rapport au hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, qui est rapporté de Abu Huraira ou par Abu Huraira radiallahu anhu, où il nous parle des caractéristiques de l'hypocrite, qui sont des caractéristiques de l'hypocrisie, de la petite hypocrisie. Parmi cela, le fait que quand il parle, quand il tient un discours, il ment. Aussi, lorsqu'il donne un rendez-vous ou qu'il donne une parole, eh bien, il ne le respecte pas. Et ici, ce que le cheikh nous met en évidence, c'est bien sûr le mensonge lorsqu'il, par rapport au sujet qui précède, lorsqu'il tient un discours, lorsqu'il parle avec les gens, il ment. Et le shir nous dit que ceci est très dangereux lorsque ces caractéristiques se répandent dans la communauté, dans notre société, au sein de notre communauté. Et ceci est encore plus dangereux lorsque ces caractéristiques se voient être répandues ou lorsque ces caractéristiques se répandent au sein même de ceux qui s'apparentent à ce manhaj, le manhaj salafi. C'est pour cela que le shir nous dit que le croyant qui est sincère, il révise ses actes et ses actions, il prend le temps de peser ses actes et ses actions, il fait un retour sur lui-même. Il fait les comptes de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Et aussi, il demande pardon à Allah, tabaraka wa ta'ala, et il se repent à lui, comme il est rapporté, comme dans Sahih Muslim, où le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, demandait pardon à son Seigneur et se repentait à lui dans la même journée 100 fois. Et cela est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui faisait cela est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous? Ensuite, le shir met un point ou soulève un point très important, et que parmi les salafis, donc parmi au sein de notre société, il y a des hypocrites. Et le shir soulève ce point qui est que parmi les salafis eux-mêmes, il y a, c'est-à-dire, le shir ne dit pas que les salafis parmi, c'est-à-dire que les salafis sont des hypocrites, plutôt que parmi les salafis, au sein des salafis, il y a des personnes qui sont des hypocrites, qui sont rentrés auprès de eux, qui sont rentrés à leur sein, auprès des salafis, qui sont eux des hypocrites. Et le shir nous exhorte à faire bien attention de cela, à faire bien attention à cela, à ces derniers, et de ne pas se laisser duper. Il dit que le salafi ne doit pas se laisser duper par ces gens-là. Car ces derniers parlent à notre langue. Et ils font partie parfois de nous-mêmes. Et ils parlent notre langue et ils vivent auprès de nous, dans notre société. Et ils font comme le faisaient les hypocrites de l'époque du prophète, c'est-à-dire qu'ils font les adorations avec nous, comme ils le faisaient avec Sahaba. À l'époque du prophète, ils sortaient avec eux au combat, ils faisaient la prière avec eux, ils jeûnaient avec eux, etc. Et comme cela, des hypocrites qui se sont glissés au sein des salafis font ces choses-là. Et nous, nous les connaissons et nous les démasquons, bien que le shir nous dit qu'il ne convient pas de dire d'une personne « un tel est un hypocrite » ou « toi tu es un hypocrite », mais plutôt nous les connaissons et nous les voyons et nous démasquons par rapport à ces caractéristiques qui ont été évoquées dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu vois ces caractéristiques sur une personne, eh bien il te convient donc de faire attention à lui et de mettre en garde sur lui lorsque ces caractéristiques sont avérées chez cette personne. Mais il ne convient pas à quelqu'un de dire un tel est un hypocrite, de pointer du doigt quelqu'un en disant tu es un hypocrite. Mais lorsque tu vois ces caractéristiques sur cette personne, il te convient toi de prendre garde et de mettre en garde lorsque ces caractéristiques bien sûr sont avérées chez cette personne. Et bien sûr, ces caractéristiques, comme il a été rappelé auparavant, dans certains versets du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans certains hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces sourds du Coran qui parlent des hypocrites, il y a Al-Baqarah, il y a aussi Surat Al-Tawba, qu'on appelle Al-Fadiha, celle qui dévoile. Il y a aussi Surat Al-Ahzab. Il y a aussi Surat Al-Ahzab. Il y a aussi donc Surat Al-Munafiqin. Et autre que cela, mais celle-ci, comme nous le dit le Cheikh, ce sont les Surat qui traitent le plus de cela, où nous retrouvons le plus le rappel des hypocrites, ou l'évocation des hypocrites. Et ceci ne veut pas dire, le fait que tu prennes garde, ne veut pas dire que tu dois avoir une mauvaise pensée sur ton frère, non. Tu te dois d'être juste, de te placer dans le juste milieu, c'est-à-dire d'avoir une bonne pensée sur ton frère. Mais lorsque tu vois sur quelqu'un ses caractéristiques, à ce moment-là, il te convient de faire attention et de parfois mettre en garde contre lui. Mais à la base, tu dois avoir une bonne pensée sur ton frère. Mais une fois qu'il t'apparaît ses caractéristiques chez une personne, à ce moment-là, tu feras attention à cette personne. Le shir nous dit que nous, il y a deux choses que nous voyons et deux choses qui sont un mal pour nous. La première, ce sont des gens qui se... Le shir parle toujours des salafis. Des gens qui se mélangent à eux, à des gens qui ont des signes, des hypocrites. Et ces gens, le fait qu'ils se mélangent à certaines personnes, qu'ils ont des attributs et des caractéristiques hypocrites, et bien ces personnes-là, eux-mêmes, nous les voyons à la base des salafis, mais qui tombent eux-mêmes dans certaines caractéristiques des hypocrites. Et parfois, ces salafis qui se mélangent aux hypocrites, qui sont tombés dans certaines caractéristiques des hypocrites, sont des gens qui ont parfois des efforts, qui font certains efforts dans la da'wah, qu'ils ont une certaine da'wah, qu'ils ont une certaine qu'ils ont un certain rôle dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils sont tombés dans certaines caractéristiques des hypocrites, et peut-être cela en se mélangeant à eux. Et parfois nous pouvons les voir que ce sont des gens qui ont deux visages, et comme il est venu dans le hadith, ceux-là sont les pires des gens. Nous pouvons les voir aussi qui trahissent les salafis. Eux-mêmes sont des salafis. Mais ils sont tombés dans ces choses-là. Et il y a une autre chose. La deuxième chose que le Shira a rappelé, la deuxième catégorie de gens qui font du mal à la salafia, c'est ceux qui exagèrent dans cela. Qui, lorsqu'ils voient une erreur sur leur frère, ils ne les laissent pas, ils ne les lâchent pas. Plutôt, nous les voyons en train de chasser ces erreurs, d'être à l'affût de ces erreurs. Ils sont aux aguets afin de trouver ces erreurs chez leurs frères. Et lorsque ils trouvent ces erreurs, eh bien, ils exagèrent, ils en rajoutent afin de critiquer leurs frères par rapport à ces erreurs qu'ils font. Et ces deux catégories, ceux qui sont tombés dans l'exagération et ceux qui sont tombés dans le laxisme, qui ont été rappelés dans la première catégorie, eh bien, ce sont des personnes que, deux catégories de personnes que la salafia, dont la salafia bien sûr est touchée, ou que la salafia est touchée par ces personnes-là, car elles s'apparentent à elles. Et il convient de se préserver de ces deux sortes de personnes. Et le Shir nous dit que les salafis ne sont ni comme cela, ni comme les premiers, ni comme les deuxièmes. Ils ne sont ni dupés par eux, par les premiers, ni dupés par les deuxièmes. Tout en essayant d'avoir la bonne pensée sur son frère. À la base, d'avoir cette bonne pensée sur son frère sans se faire duper par lui. Car les premiers se sont fait duper et les deuxièmes ont eu la mauvaise pensée sur leur frère. Et le salafi est entre les deux. Et il convient au salafi d'être intelligent et de prendre garde à ne pas tomber dans des pièges comme cela, se faire duper. Il se doit d'être intelligent, de réfléchir. Lorsqu'il voit les caractéristiques des hypocrites sur quelqu'un, il prend garde et il met en garde. Il ne tombe pas dans cela, dans le fait de se faire duper par eux, en évoquant l'argument de la bonne pensée sur son frère. Et en même temps, il lui convient d'être juste et d'avoir la bonne pensée sur son frère, du moment que ses caractéristiques des hypocrites ne sont pas apparues sur lui. Cette chose est une chose très importante, comme nous le dit Shir, de faire la différence entre ces deux choses-là. Ensuite, le Shir a fini sa parole en évoquant un verset ou certains versets de la sourate An-Nur, et il nous dit que ces versets, il faut qu'ils soient bien compris car nous avons besoin de cela, c'est-à-dire de les comprendre, afin de ne pas de prendre garde pour nous-mêmes à ne pas tomber dans ces caractéristiques. Et ces versets sont dans le sens approximatif des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, les suivants. Et ils disent: nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur, ou doutent-ils, ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. Ces versets, le cheikh nous dit qu'ils sont très importants, il nous convient de les comprendre. Il nous dit qu'il ressort dans ces versets que une personne, lorsque tu viens à lui et que tu l'exhortes avec les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à une chose qui va à l'encontre de ce sur quoi il est, eh bien cette personne, tu la vois faire volte-face, comme il est venu dans ce verset. Et ils disent: nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Et Allah dit: ce ne sont point eux les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Il ressort de cela que si tu leur dis: viens, nous allons faire que Allah et son messager soient juges entre nous, c'est-à-dire Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, donc sa sunna, nous les prenons comme juges, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre nous, et bien tu les vois qu'ils s'écartent de cela, ils s'éloignent, comme il est venu dans le verset, dans le sens approximatif de ce verset. Il ressort aussi de ces versets que lorsque la vérité est avec eux, il te dit, viens, nous ferons que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit juge entre nous. Et nous le voyons s'enfler d'orgueil aussi, comme il est venu dans le sens approximatif du verset. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Dans les choses qui leur arrangent, lorsqu'ils voient que la vérité ou le droit est avec eux, et bien à ce moment-là, ils viendront au livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soumis. Et ils seront pleins d'orgueil. Il ressort aussi, le cheikh nous dit de ces versets, que cela ne croit pas en la sentence d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, ils sont dans un doute par rapport à cela. Comme il dit Allah azza wa jalla dans son approximatif de ses paroles, y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime? Ainsi, il ressort de ce verset qu'ils ont peur lorsqu'ils prennent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, que d'être opprimés. Ils ont peur d'être opprimés par la sentence d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. Donc il ne leur sera fait aucune injustice lorsqu'ils viendront pour juger entre eux au livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt ce sont eux les injustes, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes et envers autres que eux, comme nous le dit le shir ici, hafidahullah. Le shir nous exhorte à faire attention, à prendre garde, à ne pas être dupé et à ne pas être dupé par cela, et en même temps avoir toujours la bonne pensée sur nos frères. Il nous dit le shir de prendre garde à ces gens qui se sont habillés d'un habit de la salafia, qui portent l'uniforme, entre guillemets, de la salafia, et plus dangereux que cela encore, des gens qui prétendent avoir des efforts dans la da'wah, ou certaines personnes que des gens prétendent de eux qu'ils font des efforts dans la da'wah. Le shir nous dit de prendre garde à cela. Car cela, certains d'entre eux donc, peuvent être tombés par ou peuvent être tombés dans une insouciance, et cette insouciance fait que ils sont touchés par cela. Le fait qu'ils ne font jamais les comptes avec eux-mêmes. Ils ne révisent pas leurs actes et leurs paroles. Et ils estiment que ce sont eux, lorsqu'ils parlent, c'est leur parole qui est écoutée, c'est leur parole, c'est leurs efforts dans la da'wah qui sont comptés. Ils ont fait les efforts dans la da'wah, leur parole et la parole qui est écoutée, qui est prise en compte. Ils pensent cela d'eux-mêmes et ils ont été touchés par une insouciance qui fait qu'ils ne révisent pas leur propre personne. Et certes, Allah Azzawajal a interdit de se faire des éloges à soi-même et de se faire une recommandation, une tazkiya à soi-même. Et le shir finit sur cela. Hafidhahullahu ta'ala wa jazahu khayra. Ensuite, il y a eu l'appel téléphonique de notre shir, notre père Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, hafidhahullah ta'ala, qui était une parole courte mais très très profitable, où il commença par nous rappeler la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit: et sache qu'en vérité il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que Allah ou en dehors d'Allah, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait de demander la science est une obligation pour tout musulman et musulmane, bien que ceci n'ait pas été rapporté d'une manière authentique dans le hadith. Plutôt, il a été rapporté d'une manière authentique: le fait de demander la science est une obligation pour tout musulman, mais bien sûr musulmane aussi, il rentre dans cela, le terme musulman, comme nous le dit le shir. Ensuite, le shir nous rappelle que l'imam al-Bukhari a écrit dans son sahih la porte de la science avant les actes et les actions. Et Afwan, avant les paroles, ou avant la parole et l'action. Et il a pris comme preuve, rahimahullah, le verset, ce noble verset qui a été rappelé auparavant: et sache qu'en réalité il n'y a de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, et demande pardon pour ton péché. Le verset. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Usul al-Thalatha, dit qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre points qui sont la science, œuvrer de cette science, l'appel à celle-ci, et le fait de patienter face aux épreuves rencontrées dans cet appel à cette science. Et le shir nous dit que parmi la croyance des gens de la sunna et du consensus, Ahl sunnati wal jama'a, que la foi augmente par l'obéissance et diminue par le péché ou par les mauvaises actions, par la désobéissance, et que les œuvres font partie de la foi. Comme l'arbre qui, à sa base, ferme et que ses ramifications ferment dans la terre, ou ancrées fermement dans la terre, et que ses ramifications se déploient dans le ciel. Et le shir nous rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens approximatif de ces paroles où il dit « Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis si vous aimez Allah, suivez-moi donc et Allah ainsi vous aimera et il pardonnera ou il vous pardonnera vos péchés. » Et la parole d'Allah Azza wa Jal aussi dans le sens approximatif de ces paroles, et celui qui obéit au prophète ou au messager a certes obéi à Allah. Et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Naam, le cheikh ici nous dit, Afwan, nous dit qu'il y a une question qui se pose. Quelle est la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint d'apprendre? Il nous dit que cette science est la science légiférée, la science de la religion, la science de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit comme cela, il est venu dans Hadith al-Irbad, Ibn Sariya, où il dit, radiallahu anhu, où il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enjoint d'écouter et d'obéir. Et même si cette personne qui est notre gouverneur, cette personne qui nous gouverne, est un esclave abyssinien, afwan, qui a une tête comme un raisin sec. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans ce même hadith à suivre sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés après lui. Il nous enjoint, il nous ordonne de nous accrocher à celle-ci et à la mordre avec nos an-nawajid. La traduction exacte est les dents de sagesse, sont les dents de sagesse. Ce ne sont pas les molaires. Car les molaires en arabe, ce sont at-tawahin. At-tawahin. Mais plutôt an-nawajid, c'est le pluriel de najid, qui est la dent de sagesse. Donc il nous enjoint, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à s'accrocher à elle, sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés après lui, et de la mordre avec nos dents de sagesse qui sont les plus fortes des dents. Et il nous met en garde contre les choses inventées dans sa religion qui n'en font pas partie, et il nous dit que toute innovation est un égarement. Et le shir nous dit, à partir de là, il appartient à quelqu'un de se questionner, de nous questionner, d'où commence le musulman son apprentissage. Comment commence le musulman son apprentissage? Comment commence-t-il son apprentissage? La réponse est que la première chose qu'il lui convient d'apprendre, ce sont l'aqida et le manhaj. Car c'est cela par lequel a commencé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les envoyés, et c'est par cela qu'ils ont commencé à appeler les gens. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur appel à Allah par leur apprendre l'aqida ou le manhaj, la croyance et la méthodologie, le manhaj. Et avant, le Cheikh nous dit qu'avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il... Bien sûr, le Cheikh ne parle pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle des gens chez qui, auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour les appeler à l'islam. Ces derniers pratiquaient le désordre parmi ceux-là, des péchés comme le fait de boire de l'alcool et autres que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé à eux, il les a appelés en premier, avant tout, avant de les appeler à délaisser ses péchés, il les a appelés à la aqida sahiha, et le fait de réformer les croyances, de réformer les cœurs. Et comment réformer leur cœur? Il leur a montré la voie de la réforme des cœurs par cette croyance et la méthodologie véridique. Le manhaj al-sahih. Car le cœur, lorsqu'il est réformé, eh bien l'ensemble du corps sera réformé. Lorsqu'il sera sain, ce cœur, l'ensemble du corps sera sain. Le shir nous enjoint donc à commencer par ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. En premier lieu, les piliers de la foi, en général et en détail. Car ce qui est venu comme dissension dans cette communauté n'a pas été par rapport aux piliers de l'islam, mais plutôt par rapport aux piliers de la foi, par rapport auxquels se sont divisés les musulmans en 73 factions, tous dans le feu sauf une. Et cette faction est la faction sauvée, secourue. Ce sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce sont les gens du Hadith. Ce sont ceux sur quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Le Cheikh nous enjoint donc de suivre leur chemin, le chemin des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de ne pas se diviser dans notre religion, du moment que nous sommes tous sur cette voie, sur ce manhaj, et cela en suivant la voie de Sahaba, radiallahu anhum, qui sont les premiers, qui sont à la tête de Salaf Salih, ensuite ceux qui les ont suivis dans le bien. Ensuite, le Shir nous dit que, ou nous annonce la bonne nouvelle, comme il le dit ici, Hafidahullah, en nous rappelant ce verset, pour tous ceux, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont suivi ce chemin, et il nous rappelle ce verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans un sens approximatif de ces paroles, où il dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Le Shir nous rappelle ce verset qui est une annonce de la bonne nouvelle pour ceux qui ont suivi ce chemin. Ensuite, le Shir fit des du'as pour ceux qui ont écouté Al-Liqa, pour l'ensemble des musulmans, et en particulier pour Al-Shaykhayn, Al-Shaykh Abi Abdil A'la, Khalid ibn Muhammad, Uthman, Hafizahullah Ta'ala, et pour Sheikh Abil Abbas, Adil Mansour, Bacha, Hafizahullah Ta'ala. Puis le Sheikh a raccroché, car c'était ce liqa, comme nous l'avons rappelé, cette rencontre, comme nous l'avons rappelé au début de la traduction, était une rencontre entre Sheikhain dans la ville de Riyad et Sheikh Hassan, notre Sheikh, et notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab Al-Banna, a fait cette intervention téléphonique. Il nous a fait profiter de sa science. Fajazallahu khayra. Ensuite, il y a eu la parole de notre shir Abu al-Abbas, Adil Mansour, qui était une parole assez concise. Donc, bien sûr, ici, c'est vraiment le résumé de la traduction de cette, ou c'est plutôt la traduction afwan du résumé de cette rencontre. Et la parole de notre shir, shir Adil Mansour, était très concise et avec beaucoup d'humilité, a dit au début de cette parole que la parole de notre shir, shir Khalid, ainsi que de notre shir Al-Walid, shir Hassan, avait suffi. Mais bien sûr, il convenait, comme il a été rappelé, que lui fera partie de cette rencontre, de donner une parole. Donc, il a commencé en rappelant cette parole de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a été rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, mu'allaqan, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, rahimahullah ta'ala, l'hypocrisie ne se sent à l'abri d'elle que un hypocrite et n'a peur d'elle qu'un croyant. Ensuite, le shir, après cela, après avoir rappelé cela pour illustrer ou comme introduction à sa parole, il fit des éloges à nos deux shir en disant que ceci fait partie, ou ce sujet est un sujet, est un très bon sujet, et que Allah leur a accordé le succès de choisir ce sujet, le sujet de l'hypocrisie, et que c'était un grand conseil pour la communauté, et que le shir, notre shir Khalid Uthman, a donné un très bon conseil et a suivi dans cela la voie de Salaf, en commençant par le livre, en commençant, il a suivi la voie de Salaf Salih, radhiyallahu alayhim, dans cela, dans son conseil, en commençant par le livre d'Allah Azzawajal, ou en donnant des preuves, ou en exhortant par le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par les paroles des imams bien guidés. Il dit que ceci est une voie à suivre dans l'exhortation. Ensuite, il nous dit qu'il nous rappelle cette parole de Cheikhul Islam pour appuyer la parole que notre Cheikh Khalid avait rapportée de Ibn Rajab. Il rapporte cette parole de Cheikhul Islam qui dit que l'hypocrisie dont avait peur As-Sahaba était bien la petite hypocrisie, l'hypocrisie dans les actions. Ils avaient peur que leur parole aille à l'encontre de leur actes, comme il a été rapporté dans son livre, le livre de Cheikh al-Islam, qui s'appelle Al-Iman Al-Kabir, qui est le 7e tome dans Majmou' al-Fatawa. Car, walhamdulillah, as-sahaba n'avait pas de doute, comme nous l'avons rappelé au début de cette rencontre, de la traduction de cette rencontre, que as-sahaba n'avait pas de doute dans leur islam ni dans leur foi en Allah tabaraka wa ta'ala, mais plutôt ils avaient peur de la petite hypocrisie qui est l'hypocrisie dans les actions. Ils avaient peur que leur parole aille à l'encontre de leurs actions, ou plutôt que leurs actions aillent à l'encontre de leur parole. Et le shir Adil Mansour Abu al-Abbas hafidahullah rappelle que alhamdulillah, as-sahaba avaient connu, ont su qui étaient les munafiqin par leur, qui étaient les hypocrites à leur époque par leurs caractéristiques. Caractéristiques qui sont rappelées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ils n'associaient pas les hypocrites, ceux qu'ils avaient connus par leurs caractéristiques, dans ces, à ces moments cruciaux de leur vie, de leur époque. Comme par exemple au moment où ils ont choisi Abu Bakr comme étant le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le calife, le premier des califes bien guidés. Et autres parmi ceux-là, dans ces moments cruciaux de leur vie, à leur époque, ils ne, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne les associaient pas à cela. Ils ne revenaient pas vers eux. Ils ne faisaient pas qu'ils assistaient même à cela. Car ils les avaient connus par leurs caractéristiques qui sont détaillées dans le Coran et dans la Sunna. Et ainsi, du fait qu'ils ne faisaient pas qu'ils soient des témoins de ces moments cruciaux, ou ils ne les associaient pas à ces moments cruciaux, ne leur demandaient pas leur avis, etc. Eh bien, les hypocrites à ce moment-là n'avaient pas d'effet sur les décisions que prenaient les sahaba, walhamdulillah. Ensuite, le shir nous dit que les savants, parmi ulama al-salaf, et ceux qui sont venus après eux, qui l'ont suivi dans le bien, ont donné un intérêt particulier à cela, ce qui est les caractéristiques de l'hypocrisie et des hypocrites, comme le livre de Al-Hafid al-Firyabi, aussi Ibn al-Qayyim aussi, après eux, dans son livre Madarij al-Salikin, où il a donné beaucoup de détails sur cela. Ainsi, ils ont donné beaucoup d'importance à ce sujet afin de nous donner le conseil et à nous mettre en garde sur cela, car c'est un sujet très important et l'hypocrisie est une chose très dangereuse pour n'importe lequel d'entre nous. Le shir nous rappelle aussi que même si nous voyons sur certaines personnes des traits de l'hypocrisie, il ne convient pas à l'un d'entre nous de dire « un tel est un hypocrite, un tel est un hypocrite ». Ensuite, le shir Abu al-Abbas, hafidahullah, a donné un conseil pour suivre le conseil de notre shir al-Walid Hassan ibn Abd al-Wahhab, hafidahullah ta'ala, pour suivre son conseil, il donna aussi un conseil pour nous préserver de l'hypocrisie, qui est le conseil de la réalisation et de la perfection de la sincérité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala et dans le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous préserve. Celui qui a réalisé cela et qui a perfectionné cela, c'est-à-dire sa sincérité envers Allah dans ses adorations et dans le suivi, qui a perfectionné son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça, ce sera une manière pour lui de se préserver, de tomber dans l'hypocrisie. Ensuite, le shir nous dit que par ta sincérité envers Allah Azza wa Jalla, tu te démarques des gens de l'association, que ce soit la petite ou la grande association, et des gens de l'hypocrisie aussi, des hypocrites. Et par ton suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te démarques donc de ces hypocrites et tu te démarques aussi des gens de l'innovation. Que ces gens de l'innovation soient être innovés dans la religion d'Allah Azza wa Jalla par leur ignorance ou par le fait qu'ils ont suivi la voie de ceux qui suivent les avis de leurs savants, au lieu de prendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre que cela, toi par ton suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te vient une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu délaisses toute autre parole que la sienne, sallallahu alayhi wa sallam, et bien par cela tu te démarques des gens de la bid'a, des gens de l'innovation. L'épreuve, le shir nous dit que l'épreuve par rapport à la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans les adorations sont très nombreuses. Il y a beaucoup de versets dans cela. Aussi sur le suivi ou l'obligation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup dans cela de preuves, et il nous met en garde le shir dans le fait de tomber dans l'ostentation, qui fait partie aussi des signes des hypocrites. Et comme il est venu, il nous rapporte ce hadith qui a été ce hadith, et afin de nous exhorter et de nous mettre en garde contre l'ostentation qui fait partie des signes des hypocrites, ce hadith qui est sur ces trois personnes qui seront jetées en enfer yom al-qiyama, qui seront apportées pour être jugées et qui seront jetées en enfer. Parmi eux, il y a ce savant et celui qui lisait et faisait lire le Coran aux autres. Il sera apporté devant Allah Azza wa Jal, qui lui demandera tabaraka wa ta'ala, pourquoi tu fais cela? Il dira, j'ai fait cela, j'ai appris pour toi et j'ai enseigné le Coran pour toi, Allah. Et il lui sera dit, tu as menti. Il lui sera dit, tu as menti, tu as fait cela pour qu'il soit dit de toi que tu apprends la science et que tu lis et que tu fais lire le Coran. Donc tu as menti dans cela, il sera jeté en enfer. Car il a fait cela par ostentation, qui fait partie bien sûr des plus grands signes, comme il nous dit le shir ici, des signes principaux des hypocrites, cette ostentation. Il rapporte aussi le shir en parlant donc du mensonge, comme il a été rapporté au début de la rencontre, d'après Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, qui disait que la base de l'hypocrisie c'est le mensonge. Donc le shir par rapport à cela, il nous rapporte ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih de l'imam al-Bukhari, mu'allaqan, rapporté de Ibn Umar, où on vint le voir, certains parmi les tabi'in sont venus le voir et lui ont dit, nous rentrons auprès de nos gouverneurs et nous leur disons une parole, une certaine parole. Et dans une version qui est rapportée par l'imam At-Tabarani, nous leur faisons des éloges. Et lorsque nous sortons de chez eux, de nos gouverneurs, nous leur disons une autre parole que cela, que celle que nous avons dit en étant auprès d'eux. Nous disons entre nous, une autre parole que cela. Eh bien, Ibn Umar leur dit que nous estimions cela, c'est-à-dire Sahaba, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous estimions cela comme étant de l'hypocrisie. Nous estimions cela comme faisant partie de l'hypocrisie. Ensuite, le shir nous dit que la vérification et la perfection de la sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal constitue un désavou du shirk, du petit comme du grand, de la petite association comme de la grande. Et il nous dit que la petite association, al-shirku al-asghar, la petite association est de deux sortes. Elle est de deux sortes, Afwan. La première sorte, ce qui a rapport avec les paroles, et la deuxième sorte, ce qui a rapport avec les actions. Et il rapporte ensuite le shir, la parole de Cheikhul Islam, où il dit que l'association dans les buts et dans les intentions est une mer qui n'a pas de bord, est un océan sans bord. Ensuite, le shir nous rapporte une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, où il dit que ceux qui sont tombés dans l'association, ils sont tombés dedans Parmi les plus grandes causes de cela, c'est qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas appris ce qu'est l'association pour s'en préserver. Et comme cela, ceux qui sont tombés dans les innovations, ils sont tombés dans cela, car ils n'ont pas pris le temps de les apprendre afin de s'en préserver. Il convient aussi, comme nous le dit le shir, de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'être préservé des innovations dans la religion ainsi que de l'apprendre. Et le shir ensuite nous dit, nous rapporte cette parole de Qatada, rahimahullahu ta'ala, dans son explication de la, ou dans son exégèse de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, qu'avez-vous répondu aux envoyés? Qu'avez-vous répondu aux envoyés? Qatada, rahimahullahu ta'ala, a rapporté dans son exégèse de cette parole qu'il n'y a pas un d'entre vous sans qu'il ne soit questionné le jour du jugement que qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu adorais et qui suivais-tu. Il n'y a pas l'un d'entre vous sans qu'il ne soit questionné le jour du jugement sur la chose qu'il adorait et ce qu'il suivait, la personne qu'il suivait. Il nous dit, le shir ensuite, qu'une personne peut être un adorateur d'Allah Azzawajal seul et sans associé, mais il peut aller à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tomber dans les innovations. Et cela amoindrit la perfection de son tawhid, amoindrit la perfection et la qualité de son unification, qu'il a d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, le shir nous dit que le fait de s'écarter des innovations fait partie de la vérification et de la perfection du tawhid, de l'unification d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il finit sa parole et son cours en nous mettant en évidence la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hadith al-Irbad ibn Sariya, qui a été rappelé par notre cher Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna hafidahullahu ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, dans le sens approximatif de ses paroles, il nous enjoint, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, de suivre sa sunna et la sunna de ses califes bien guidés après lui, et il nous met en garde contre les innovations, les choses innovées, les choses inventées dans sa religion. Et le shir met en évidence cela en nous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a réuni le fait d'appeler à la sunna, au suivi de la sunna, et de mettre en garde contre les innovations dans le même hadith, dans sa même parole, le fait d'appeler à sa sunna et en même temps de mettre en garde contre les innovations. Et comme cela, comme cette wasiya, ou comme ce conseil que nous donne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des prophètes ont donné le même conseil à leur communauté, comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ses paroles, il n'y a pas un seul prophète que Allah azza wa jalla a envoyé avant moi à sa communauté sans qu'il leur ait montré les meilleures choses qu'il savait pour eux et sans qu'il les ait mis en garde contre les mauvaises choses qu'il savait pour eux, les choses mauvaises qu'il savait pour eux. Chaque prophète qui a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les ont mis en garde, ou a mis en garde sa communauté contre ces choses-là, les choses qu'il savait mauvaises pour eux. Et il a montré à sa communauté et les a appelés aux choses qu'il savait bonnes pour eux. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.